Pendant quelques jours, on a cru que le rover chinois avait détecté sur la face cachée de la Lune une bien étrange matière gélatineuse, alors qu'il ne s'agissait que d'une roche polie par un impact violent. C'est dire le degré de curiosité, voire de fantasme qui demeure sur cette moitié de notre satellite dissimulée à notre regard. Pourtant, cette face cachée dont la sonde Luna 3 nous envoyait les tout premiers clichés il y a exactement 60 ans, recèle encore bien des mystères. Si l'on est aujourd'hui sûr qu'il n'y a ni base nazie, ni camp de la Lune noire, pourquoi cette face de la Lune est-elle aussi différente de celle que nous voyons chaque nuit ? Le côté obscur de la face, c'est le programme caché qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans l'habitat scientifique. Et pour partir explorer cette face cachée, la far side et non pas dark side, puisque contrairement à ce que l'on imagine, cette face cachée est tout à fait exposée aux rayons du soleil, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Moynier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de cosmochimie à l'Institut de physique du globe de Paris. Et Philippe Hénaré-Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace et auteur de Ils ont marché sur la Lune, c'est aux éditions Belin. Mais avant de partir pour l'ast sélénite, nous restons encore quelques instants sur Terre pour toute l'actualité des sciences. C'est de la recherche dans le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude de Nature Astrologie qui affirme que le modèle de l'univers n'est peut-être pas celui d'un univers plat. Et les chercheurs de l'université de Manchester et de Rome avancent une toute autre théorie. L'univers pourrait être courbé et fermé comme une sphère qui se gonfle. L'équipe a analysé les données du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne. Planck a cartographié le fond diffus cosmologique, la plus ancienne lumière de l'univers issue du Big Bang. Problème. Les données montrent qu'il y a plus de lentilles gravitationnelles que prévu. Une lentille gravitationnelle, c'est cet étirement de la lumière dû à la forme de l'espace-temps. Les chercheurs suggèrent qu'un univers fermé et courbé pourrait expliquer cette anomalie. Or, toutes les autres données du cosmos jusqu'à présent ne vont pas dans ce sens. Voici donc un nouveau casse-tête cosmologique. Norma Sanchez est physicienne théoricienne et directrice de recherche émérite au CNRS. Notre univers qui est en expansion, et même par moment, disons l'univers actuel est en expansion accélérée, et donc on constate que la courbure spatiale de l'univers, c'est-à-dire les sections tridimensionnelles, obéissent en gros à une courbure plate, ce qu'on appelle un univers plat, une courbure spatiale zéro. Si la courbure est positive, donc ça peut être un cercle, une sphère, donc qu'il y a un rayon, et donc ces courbures spatiales positives, on parle des très très petites déviations à la courbure, et donc il serait, d'après ces dernières analyses, il serait positif. Et donc, si ça serait positif, donc, ça met en contradiction avec d'autres ensembles de données indépendante du fond cosmique des micro-ondes, fait qu'il y a des contradictions ou des discordances entre différents ensembles de données à différentes échelles, qui avaient là un problème, et c'était un problème dans le sens qu'on devait considérer peut-être d'autres compréhensions physiques, qui ne veut pas dire qu'on jette les modèles standards cosmologiques. Et on passe au bref. 41 ans après son lancement, la sonde Voyager 2 nous envoie des informations depuis l'espace interstellaire. Il y a un an, jour pour jour, la NASA confirmait que la sonde avait quitté notre système solaire. Aujourd'hui, 5 études parues dans la revue Nature Astronomy détaillent des mesures sur l'héliopause. L'héliopause, la frontière officielle du système solaire, est une région en grande partie mystérieuse. Nous ne connaissons ni sa forme, ni sa structure exacte. À bord de Voyager 2, il y a un capteur de champ magnétique, deux instruments de détection de particules énergétiques et deux instruments d'étude de plasma. Et déjà, quelques surprises. En dehors de l'héliosphère, 20 fois plus de particules sont enregistrées et le plasma est légèrement plus chaud que prévu. Une étude parue dans la revue Tissue Engineering Part a détaillé la première impression 3D de peau vascularisée. Les chercheurs de l'Institut Polytechnique Ressler aux États-Unis ont réussi, sur une souris, un greffon de peau artificielle doté d'un système vasculaire. Dans leur composition, pour la bio-encre, ils ont ajouté des kératinocytes, des cellules qui synthétisent une protéine fibreuse, des péricytes qui tiennent un rôle dans la régulation du débit sanguin et du collagène animal. Une fois transfusé, le greffon s'est connecté avec les vaisseaux sanguins de la souris. Pour les technologies de bio-impression, c'est une étape importante car la vascularisation des tissus restait un obstacle majeur. Et enfin, dans la revue Science Advances, la culture des hommes de Néandertal est plus complexe qu'on ne le pense. Les chercheurs de l'Institut de l'Évolution en Afrique viennent de mettre la main sur un nouvel artefact. Dans la grotte de Foradada, en Espagne, un site occupé par les Néandertaliens, ils ont trouvé une phalange d'aigle sculptée et taillée pour être portée en pendentif. Un bijou vieux de 39 000 ans. D'autres objets de ce type gravés dans des griffes d'oiseaux ont été retrouvés sur 10 autres sites dans le sud de l'Europe. L'étude suggère que la culture commune des hommes de Néandertal a été sous-estimée. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Et comme d'habitude, toutes les études qui ont été citées dans ce Journal des Sciences, ainsi que plein d'autres études qui vont être évoquées au cours de cette émission, vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Si vous n'avez pas d'abonnement Twitter, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également les retrouver sur le site de la méthode scientifique, sur franceculture.fr. Le 7 octobre 1959, il y a donc 60 ans, l'humanité découvrait pour la première fois des images de la face cachée de la Lune grâce à la sonde soviétique Luna 3, et on découvrait un visage singulièrement différent de celui qui s'affiche chaque nuit dans notre ciel étoilé. Écoutez cet archive de la radiodiffusion française, nous sommes le 28 octobre 1959. Dernière nouvelle de la Lune. Les Russes ont révélé au monde les premières photographies de la face cachée de la Lune. L'agence TASS a précisé que c'est le 7 octobre à 14h30, heure française, qu'à bord de la station interplanétaire automatique ont été déclenchés les appareils qui devaient photographier et transmettre à la Terre les photographies de la face inconnue de la Lune. Pour prendre ces photographies, les savants soviétiques auraient arrêté la rotation de l'UNIC 3 sur lui-même, et ceci pendant 40 minutes, alors que l'engin se trouvait à 470 000 km de la Terre et à 70 000 km de la Lune. On a appris ainsi que le relief de la face cachée de notre satellite était beaucoup plus monotone que celui de la face connue. Des cartes, d'ailleurs, commencent à être établies et des travaux de classification et de nomenclature se poursuivent au Centre soviétique de recherche cosmique. Voilà cet archive de la radiodiffusion française, peut-être une réaction un peu a posteriori, mais de la surprise que ça a pu être de découvrir cette face si différente de celle que l'on voit tous les soirs, Philippe. Oui, il faut se rappeler que la Lune, l'humanité la voit depuis qu'elle existe. Elle voit toujours la même face parce qu'à l'époque où éventuellement la Lune tournait de temps en temps une autre face vers nous, on n'était pas là pour la voir. C'est quand même, c'est l'astre le plus proche. Et donc, ça a dû être quand même quelque chose de voir l'apparence de cet hémisphère finalement si différent, même si les photos de Luna 3 étaient quand même de très basse résolution, faut se rappeler. C'était quelques clichés pris à la va-vite alors que la sonde filait vers l'espace interplanétaire, elle n'était pas en orbite autour de la Lune. Il a fallu du temps, vous parliez du 7 octobre, il a fallu du temps pour charger tout ça, pour que ça soit envoyé sur Terre, et donc c'est vers la fin du mois d'octobre qu'on a vu les images. Elles n'étaient pas très belles, mais on voyait juste une grosse Lune, une pleine Lune, du coup de la face cachée, une pleine Lune bien blanche, avec quelques vagues taches sombres qui ressemblaient à ce que nous voyons depuis la Terre, qui sont les mers lunaires, les fameuses mers de basalte lunaire. Et on se disait déjà à l'époque, elles sont pas si nombreuses ces mers, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette face est aussi différente de celle que nous voyons? On vient de vous les poster, ces images, vous allez les voir, effectivement, on dirait une sorte de d'image de l'étoile de la mort prise de très loin avec un très mauvais appareil, quelque chose comme ça. Une réaction à cette archive, Frédéric Moigny, et puis peut-être aussi effectivement la surprise que ça a pu être quand on s'est rendu compte qu'il y avait une telle disparité entre un hémisphère et l'autre. Oui, j'étais pas là à l'époque, mais ça devrait être une très grande surprise, connaissant la face visible avec ses mers, avec ses terres élevées. De voir que la face cachée était beaucoup plus monotone, comme ça a été dit dans l'extrait de l'époque. et essayer de comprendre cette différence que, sur laquelle on travaille toujours à l'heure actuelle, hein, parce qu'il n'y a pas encore un consensus scientifique sur déjà pourquoi est-ce qu'il y a moins de mer du côté caché que du côté visible, et puis ce qu'on a compris plus tard avec les d'autres missions, c'est-à-dire la différence d'épaisseur de la croûte aussi du côté caché et du côté visible. Donc à mon avis, une grande surprise, beaucoup de questions qui ont poussé... Qu'ont poussé des études postérieures, et puis l'émission Apollo avec Apollo 8, et puis ce qui s'est passé après. Justement, Apollo 8, Philippe, hein, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, écrit un livre autour des missions Apollo. Ils ont marché sur la Lune. Vous avez pu discuter, je crois, avec certains astronomes de la mission Apollo 8, qui ont vu les premiers êtres humains avoir vu avec leurs yeux cette face cachée. Voilà. Donc ça, c'était en décembre 1968, et donc ça fait 9 ans après, et finalement on n'avait pas beaucoup d'autres photos. Il y en a eu quelques-unes, mais elles n'étaient pas fantastiques, les photos de la face cachée. Donc ils étaient les premiers à la voir de près. Eux, ils étaient à 100 km, donc ils survolaient ça de très près. Et effectivement, alors elle était partiellement dans l'ombre à ce moment-là à cause de la phase lunaire, mais ils en ont quand même vu un bon bout. Et j'ai eu la chance de discuter assez longuement avec Bill Anders, qui est l'un des trois astronautes d'Apollo 8, et qui m'a dit ouais, quand on a découvert cette face de la Lune, on s'est aperçu que c'était terriblement ennuyeux. Et ça, c'est terriblement décevant pour moi, parce que je me disais, le premier homme à avoir vu la face cachée de la Lune va me dire, ouais, c'était fantastique, on serait cru dans un film dont on n'aurait jamais rêvé pouvoir participer. Et en fait, il me dit, c'était ennuyeux. Vous savez, ça ressemblait à des trous dans des trous. On aurait dit des trous de bombes. Vous voyez Verdun, parce que comme il savait que j'étais français, il me parlait d'une bataille qu'il connaissait. Vous voyez Verdun, eh bien c'était ça. C'était des trous, des cratères, on reconnaissait rien. Et Jim Lovell, avec qui j'ai pu échanger par mail, qui faisait lui aussi partie de cette mission, m'a dit, on n'a rien reconnu du tout. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des cratères qui étaient positionnés à 200 km près. Donc c'était pas terrible. Et le seul cratère qu'ils ont reconnu, c'est le cratère Tsiolkovsky, qui est un gros cratère et qui est une de ces taches noires dont je parlais tout à l'heure, puisque son fond est rempli de lave avec un pic central bien brillant. C'est le seul truc qu'ils ont reconnu. Et effectivement, après leur première traversée de l'autre côté de la Lune, puisque les communications étaient coupées, quand le Capcom, l'astronaute qui était à Houston, leur demande alors c'était comment, ils disent, vous savez, c'est du plâtre de Paris, c'est gris, c'est des trous, c'est pas terrible, ils nous ont pas bien vendu la Lune quand même. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer aujourd'hui, Frédéric Monnier, le retour d'intérêt pour cette face cachée de la Lune, avec notamment, on en parlera tout à l'heure, les missions chinoises? Est-ce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on peut apprendre de cet autre côté? Donc déjà, il y a un regain d'intérêt général pour la Lune, hein, pas uniquement la face cachée. Un regain d'intérêt pour la face cachée est lié avec, on va en parler des missions chinoises, mais en particulier du pôle sud de la Lune, où il y a un très gros bassin, un très gros cratère, qui s'appelle le pôle sud à Aitken, dans lequel donc il y a eu un impact qui a creusé cette croûte lunaire, et dans lequel on espère avoir accès, si vous voulez, à ce qui est en dessous, qui est le manteau de la Lune. Et donc beaucoup de missions donc futures vont aller dans cette direction-là. Ensuite, il y a toujours la compréhension de cette différence, cette dichotomie entre face cachée et face visible, qu'on comprend toujours pas très bien. Et donc retourner de ce côté, donc du côté face cachée, pour pouvoir pratiquer maintenant des analyses chimiques plus fines par rapport à uniquement de regarder des photos, c'est-à-dire compter des cratères, regarder la couleur des roches, et puis possiblement ramener les roches sur Terre vont permettre de tester les différents modèles, différentes hypothèses sur cette dichotomie face cachée, face visible, et donc comprendre au final l'origine de la Lune, qui est aussi liée à l'origine de la Terre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de la face cachée de la Lune avec Frédéric Moynier et Philippe Henari-Rose. Peut-être qu'on peut essayer de comprendre dans un premier temps, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure Philippe, que cette face cachée de la Lune, elle l'est cachée pour nous, mais elle ne l'a pas été cachée pour des formes de vie très très anciennes sur Terre. Alors oui, parce qu'en fait, si la Lune présente toujours le même hémisphère vers la Terre, c'est un effet naturel, on va dire, de la mécanique céleste et des lois de la gravitation. Je ne vais pas vous les détailler parce que je ne les connais pas assez, mais en gros, au bout d'un certain temps, quand vous avez un satellite qui tourne autour d'un corps plus gros, eh bien, il va avoir tendance à se synchroniser et à présenter toujours le même hémisphère vers cette planète. C'est le cas, par exemple, des lunes de Jupiter. Ça marche encore mieux parce que Jupiter est très massive et vous avez des lunes qui sont de la taille de la Lune ou de Mercure qui tournent autour. Et donc, avec les millions d'années qui s'écoulent, tout ça se ralentit, se régule. Il y a un éloignement, un ralentissement mutuel. C'est ce qu'on appelle c'est les forces de marée qui sont à l'œuvre et qui fait que effectivement, à une époque, quand la Lune s'est formée, elle devait être nettement plus proche de la Terre. La Terre devait tourner sur elle-même beaucoup plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui. La journée était beaucoup plus courte que 24 heures. Donc la Lune n'était sans doute pas synchronisée. Mais à ce moment-là, les formes de vie qu'il y avait, ça devait être quand même assez primitif. Donc je ne sais pas à quelle époque, ça, combien c'est... de temps il a fallu... Très voilà. Frédéric Moigny, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche, ce phénomène de verrouillage gravitationnel? C'est ces effets de marée qu'on connaît bien sur Terre avec les variations d'hauteur de la mer. Et donc, c'est ces effets de marée de la Terre sur la Lune qui vont déformer. La Lune n'a pas d'océan, donc on va déformer le solide. La Lune ne va pas être exactement sphérique, elle va avoir des bourrelets, si vous voulez. Et comme la Lune tourne autour d'elle-même, on va avoir tendance à ramener le bourrelet dans la direction donc de la force, c'est-à-dire vers la Terre. Et donc, ce qui fait que ça va forcer la Lune à présenter toujours la même face vers la Terre, pour faire assez simple. Et bon, ça, c'est des phénomènes qu'on comprend assez bien, c'est des phénomènes de mécanique. Après, donc, ça peut être modélisé. Donc, comme disait Philippe, la Lune n'a pas toujours montré la même face à la Terre. Mais ça, on pense que ça s'est quand même produit très, très rapidement. Donc, quasiment instantanément. Il y a même certaines idées que même les corps, lors de la formation de la Lune, les blocs qui vont s'accréter pour former la Lune étaient déjà, en fait, synchronisés avec la Terre. Donc, ça s'est fait... On pense très très vite. Et donc ce phénomène donc inverse donc ralentit la Terre, donc la Terre tournait sur elle-même beaucoup plus vite, parce qu'un jour terrestre il y a 4,5 milliards d'années devait être de quelques heures. Mais c'est pour donner un autre pour aller plus près, je crois qu'il y a au moment de l'extinction des dinosaures, on avait une heure de moins dans la journée déjà. Ça faisait à peu près 23 heures. 23 heures. Donc on perd à peu près 3 millisecondes par siècle. Donc ça fait à peu près une heure en 100 millions d'années, enfin 65 millions d'années. Et donc ce ralentissement va s'accélérer en fait, pour que d'ici quelques, on sera plus à peut-être 3-4 milliards d'années, la Terre sera elle-même synchronisée avec la Lune, et on aura la même phase de la Terre face à la Lune. Et donc à ce moment-là, les jours seront beaucoup plus longs, parce que le ralentissement va s'accélérer, et les jours vont durer, je ne sais pas, mais beaucoup plus longtemps, 10 jours, 30 jours. Vous avez un autre exemple, là, le système solaire, qui est le système Pluton-Charon, dont les différences entre les deux corps sont encore moins grosses que la Terre et la Lune. Et là, les deux corps se font face mutuellement l'un l'autre. C'est déjà le cas. Voilà. Ça, c'est le futur du système Terre-Lune d'ici quelques milliards d'années. Il y a quelque chose d'un peu étrange aussi, c'est que dans ce système dual Terre-Lune, la Lune s'éloigne un peu progressivement de la Terre, alors qu'on devrait penser, en tout cas de façon un peu comme un béotien, que l'attraction gravitationnelle de la Terre, au contraire, rapproche la Lune de la Terre, et que le destin de la Lune soit finalement de tomber sur la Terre. Pourquoi est-ce que ça se passe pas comme ça, Frédéric Moigny? Ça vient du ralentissement de la Terre. Donc on a un système, donc on a une dissipation d'énergie dans la Terre, donc on perd de l'énergie, qui se traduit par contre une conservation de la rotation du système total Terre-Lune. Et donc comme la Terre ralentit, pour compenser cela, si vous voulez, la Lune s'éloigne. Et ça va s'éloigner jusqu'à ce qu'on ait donc les deux corps qui vont être synchronisés. Et là, donc la Lune s'éloignera plus. Elle aura la même distance par rapport à la Terre à ce moment-là. Et donc on aura un système qui sera, si vous voulez, en équilibre. Ces marées, en fait, ça ramène le système qui est à l'heure actuelle qui n'est pas en équilibre, parce que dans ce système, la Terre tourne très vite, puisqu'un jour terrestre, c'est 24 heures à l'heure actuelle, et un jour lunaire, c'est 27 jours. Donc on a un système qui n'est pas à l'équilibre. Et donc avec ces effets de marée, on va petit à petit mettre le système à l'équilibre, et on aura donc des jours qui seront identiques sur la Lune et sur la Terre. Et donc je vous dis ça, mais si ça se produit, ça sera dans 3-4 milliards d'années. Donc on a le temps de voir venir. C'est ça. Alors parlons un peu donc de cette face cachée de la Lune, 60 ans depuis le premier cliché, et pour autant finalement, c'est encore vraiment un hémisphère qu'on connaît très peu, mais on en connaît un certain nombre, effectivement, de bizarreries Frédéric Monnier, notamment une bizarrerie qui est l'épaisseur de la croûte lunaire, qui est différente d'un hémisphère ou de l'autre. C'est ça. Donc, l'hémisphère, donc la face visible de la Lune, une croûte qui fait entre 20 et 40 km d'épaisseur. Donc, ça, la croûte, c'est l'écorce superficielle de la planète. C'est cette croûte qui est blanche, c'est quand on regarde la face visible de la Lune. Sur la face cachée, cette croûte est plus épaisse, une vingtaine de kilomètres, donc entre 40 et 60 kilomètres. Donc cette différence d'épaisseur entre les deux les faces cachées et faces visibles, l'origine de cette différence d'épaisseur est une question scientifique qui est toujours d'actualité, qui est toujours débattue. Il y a des hypothèses, il y a des modèles qui pourraient être liés donc à un impact, à des effets d'hétérogénéité à l'intérieur de la Lune. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez bizarre déjà. Ça c'est une première bizarrerie. L'autre bizarrerie que Philippe avait mentionné et qui avait été notée dès les premières observations avec Luna 3, c'est qu'il y a très peu de mer donc du côté face. Cachée, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux ou trois, je crois, grosses mers. Rappelez-nous ce qu'on appelle mer sur la Lune, parce qu'il n'y a évidemment pas de liquide. Si vous regardez la face visible de la Lune, les mers sont les faces les plus sombres, qui correspondent à du basalte, c'est-à-dire à du volcanisme qui s'est produit après la formation de cette croûte. Donc la face cachée, la face visible, à peu près 20% de la surface reposante. Et ce sont donc ces basaltes-là. Sur la face cachée, je ne connais pas la proportion, mais ça va être moins d'un pour cent. Ouais, c'est 1 ou 2. Oui. 1 ou 2%. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il y a cette différence de croûte, il y a cette différence d'absence de mer. Est-ce qu'on commence ? Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est sur la répartition de la radioactivité, qui est très, très. Elle est toute d'un côté, pas du tout de l'autre. Donc, il y a une accumulation d'éléments radioactifs comme l'uranium, comme le potassium, sur la face visible de la Lune par rapport à la face cachée. Donc c'est probablement aussi lié au fait qu'on a du volcanisme sur la face visible et pas sur la face cachée, parce que pour avoir du volcanisme, il faut chauffer quelque chose en profondeur, et pour chauffer, on va chauffer avec des éléments de désintégration radioactive d'éléments. Et donc une des conséquences de l'absence de mer du côté face cachée, c'est peut-être le fait qu'on ait moins d'éléments radioactifs. Couplé avec le fait que la croûte est plus épaisse, donc c'est plus difficile aussi de traverser la croûte pour se retrouver en surface. Il y a en revanche un point commun, c'est qu'il y a a priori autant d'impact d'astéroïdes d'un côté que de l'autre, ça. Voilà, des deux côtés, on est très, si vous regardez la Lune, c'est recouvert de cratères, il y a autant de cratères d'un côté que de l'autre. Statistiquement, on va en avoir à peu près autant des deux côtés, peut-être même plus du côté, je ne connais pas très bien, mais du côté visible avec l'effet de la Terre qui va sûrement attirer peut-être plus de matériel. De notre côté, comme la face visible a ces épanchements de basalte qui ont duré pendant 10 milliards d'années, ils ont moins de cratères que la face cachée qui n'a pas été, si vous voulez, renouvelée. Renouvelée, bien sûr. Alors aujourd'hui, quelles sont les hypothèses dont on dispose ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui concrètement pour essayer d'expliquer ? Alors tout le monde me regarde avec des grands yeux en disant « Mon Dieu, mais en fait on n'en sait rien ». Alors expliquez-moi comment ça se fait qu'on n'en sait rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont en tout cas aujourd'hui les éléments dont on dispose pour évaluer cette différence, non seulement de volcanisme d'une part, de radioactivité, d'épaisseur de la croûte, toutes ces dissymétries entre ces deux hémisphères ? Donc on a quelques hypothèses qui... ou quelques théories pour expliquer cette dichotomie. Il y a deux grandes familles de modèles pour expliquer cette dichotomie. D'un côté, faire cette dichotomie avec des impacts, c'est-à-dire qu'il faut avoir un événement qui va se produire, qui va créer cette différence. Et donc, il y a plusieurs modèles d'impact qui vont donc... impact pas géant comme celui qui aurait donné naissance à la Lune avec la Theia qui aurait impacté la Terre, mais qui aurait donc, lors d'un impact, avant que la Lune soit complètement solidifiée, aurait modifié, si vous voulez, aurait rendu la Lune hétérogène en déplaçant du matériel d'une face à l'autre. Donc là, il y a plusieurs modèles. Un, par exemple, une idée, c'est que lorsque la Lune s'est formée, donc l'idée, c'est qu'il y a eu un impact géant avec la Terre, on a du matériel qui va être en orbite autour de la Terre, et ensuite, ce matériel va s'agglomérer pour former la Lune. Et une idée, c'est qu'il y aurait peut-être eu une autre petite Lune secondaire qui aurait duré quelques dizaines de millions d'années et qui serait ensuite écroulé, si vous voulez, sur la Lune. Et lors de cet impact sur la Lune n'aurait pas été elle-même pas complètement solidifiée, et ça aurait donc remué le matériel à l'intérieur. Et donc, d'une certaine manière, créer ce volcanisme d'à côté. Vous déplacez donc le liquide qui serait resté à l'intérieur de la Lune serait un liquide qui serait très riche en éléments radioactifs. Mmh. Ça l'aurait déplacé du côté face visible. Et en s'écroulant, ce petit corps sur la face cachée de la Lune aurait épaissi, si vous voulez, la croûte de la face cachée. Donc ça, c'est des modèles physiquement qu'on arrive à modéliser. Est-ce que c'est le scénario, est-ce que c'est ce qui s'est passé ? On ne saura jamais, mais on peut le tester. On pourrait le tester si on avait des échantillons de la face cachée, on a des échantillons de la face visible. Un tel scénario, en tout cas, d'après ce que l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que si on a cet écroulement de ce petit corps 70 millions d'années plus tard sur la face cachée, en datant les roches de la face cachée par rapport à la face visible, on peut tester, donc on peut s'attendre à ce que ce soit plus ancien sur la face cachée que sur la face visible. Donc une des idées des missions chinoises, qui seront, on n'est pas encore certain, mais des retours d'échantillons de la face cachée, pourront permettre de tester ce scénario. D'autres scénarios sont liés aux effets de marée. Encore une fois, maintenant, la Lune est complètement solidifiée. Il y a peut-être un petit peu de noyau liquide. A priori, alors justement, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la structure interne de la Lune précisément ? On connaît plutôt bien la structure interne de la Lune. Mm-hmm. On connaît donc l'épaisseur de la croûte, on connaît l'épaisseur du manteau, on sait qu'il y a un noyau, on connaît sa taille. Mais un noyau solide, il n'y a plus grand-chose de liquide à l'intérieur. Un noyau solide, voilà. Il peut y avoir une petite couche liquide, ça on ne sait pas, vraiment. Mais dans les modèles qu'on a de formation de la Lune, qui sont assez... Il y a un certain consensus qui explique la plupart des observations qu'on a pu faire suite aux recherches d'échantillons d'Apollo, etc. Et que la Lune s'est formée, était une boule en fusion qui s'est solidifiée petit à petit avec des minéraux qu'on cristallisait qui sont tombés par gravité au fond de la Lune. Jusqu'à ce que donc on avait ce magma, jusqu'à ce qu'on forme des minéraux qui étaient plus légers que le magma, qui sont ces minéraux blancs qu'on va retrouver en surface, qui sont ce qu'on appelle des plagioclases riches en calcium, qui vont former cette croûte. Et donc on va avoir un sandwich, si vous voulez, entre une croûte qui est solide, un dessous qui est solide, puis au milieu on a du magma encore. Et donc une des idées, c'est que à ce moment-là, la Lune, il y a déjà des effets de marée de la Terre, et ces effets de marée sur ce magma qui est pris en sandwich entre deux couches de roche, si vous voulez, peut déplacer du matériel du côté face visible. Et c'est ce magma-là qui est riche en éléments radioactifs et donc les accumuler du côté face visible. Donc ça, c'est une autre possibilité pour cette dichotomie. Ça voudrait dire que les effets de marée de la Terre sont suffisamment puissants pour maintenir une certaine forme de mouvement. Non, parce que depuis, le matériel s'est solidifié. Voilà. Donc en fait, ça aurait attiré ce matériel quand il était sous forme liquide, puis ça solidifie en quelques dizaines de millions d'années, ce qui paraît très long à l'échelle humaine, mais qui est très court au niveau de l'histoire d'une planète. Et donc ensuite, la solidification couplée aux effets de marée aurait déplacé du matériel du côté face visible. Sans arriver jusqu'aux Chinois, depuis Luna 3, quelles ont été justement les missions qui nous ont apporté des informations, Philippe Henarero, sur cette face cachée de la Lune ? Il n'y en a pas tant que ça, en fait ? Il n'y en a pas tant que ça, mais ça a repris. En fait, évidemment, il y a eu une folie lunaire pendant les années 60, 70, avec beaucoup de sondes américaines au début des années 60 et puis pas mal de sondes soviétiques à l'époque jusqu'au milieu des années 70. Mais il y a eu vraiment un creux de la vague où plus personne ne s'est intéressé à la Lune. Forcément, il y a beaucoup de matériaux et beaucoup d'informations à ingurgiter après les missions Apollo. Et ça a repris dans milieu des années 90 avec, je crois, une première sonde qui s'appelait Clémentine. Qui était une sonde minéralogique d'ailleurs américaine qui a fait un peu de la minéralogie sur l'ensemble à distance, hein, c'était un orbiteur sur l'ensemble de la Lune et donc qui a permis de voir justement des différences minéralogiques alors minimes, hein, c'était de la spectro à distance, on analysait la lumière réfléchie par le soleil, donc on avait des couleurs, si vous voulez, différentes qui permettaient de supposer que on avait plutôt ici tel type de roche ou plutôt là des roches différentes. Et ensuite il y a eu un regain d'intérêt, il y a eu au tournant des années 2000, je vais les citer un peu en vrac et pas forcément chronologiquement, mais vous avez eu une sonde japonaise qui s'appelle Kaguya, qui a fait une cartographie et une altimétrie précise de l'ordre de 10 mètres de l'ensemble de la Lune, qui permet encore une fois aux géologues de comprendre l'ensemble, parce que il faut pas oublier que la Lune a été explorée en détail par les missions Apollo, mais c'était surtout dans des bandes équatoriales. Et donc, il y avait beaucoup de régions de la Lune, notamment les régions polaires ou haute latitude boréale ou australe, qui n'étaient pas cartographiées très, très précisément. Et donc, il y a ces sondes-là qui ont fait le boulot après et qui ont permis justement aux scientifiques d'avoir une vue d'ensemble détaillée qui permettait de progresser dans les datations, les interprétations des différents épisodes volcaniques et géologiques qui ont pu se produire sur la Lune. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a eu comme sonde? La sonde qui marche toujours et qui est extraordinaire, c'est LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. Alors là, la résolution sur l'ensemble de la Lune, ça peut être, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être jusqu'à 30 cm par pixel. Donc c'est pour ça qu'avec ces photos-là, on voit les vestiges des missions Apollo, les traces des roues, des rovers, etc. Et donc là aussi, avec une altimétrie ultra précise, il y a eu cette sonde-là à lancer en arrivant un projectile L-Cross. C'était une sonde qui est allé se ficher dans un cratère qui s'appelait Cabeus B, je crois, quelque chose comme ça, qui est un cratère quasiment toujours à l'ombre, au pôle sud de la Lune, mm-hmm. où on espérait que l'impact ferait vaporiser ce qu'on espère être de la glace d'eau. Et on a analysé, on a vu un panache, effectivement, donc il y a de la glace d'eau. C'est pour ça qu'on parle de la face cachée de la Lune, mais la vraie face cachée de la Lune, finalement, aujourd'hui, c'est aussi, pôle. C'est le pôle. C'est le pôle parce sud. Parce qu'il est... pour partie, c'est une petite région, mais il est pour partie quasiment toujours dans l'ombre. Les creux des cratères ne voient jamais le soleil. Et on, plusieurs missions, dont Chandrayaan 1, j'incite encore une autre, qui est une mission indienne, et d'autres ont vu des émissions qui donnent la présence d'hydrogène. Et quand on sait l'hydrogène indirectement, ça peut être de la molécule d'eau. Donc, on a détecté ce qui semble être de la glace mélangée aux régolithes lunaires dans ces creux-là, toujours à l'ombre. Et donc, c'est cette eau qui est intéressante d'aller voir. D'abord scientifiquement, parce qu'elle a peut-être été apportée par des comètes ou des astéroïdes. Et donc, c'est une eau qui vient des premiers âges du système solaire. Donc, c'est intéressant de l'analyser, y compris par rapport à la question de qu'est-ce qui a formé les océans terrestres, bien etc. Sûr. Et puis après, il y a beaucoup d'agences spatiales qui reluquent sur cette eau en se disant, ben, c'est chouette, on va pouvoir boire, faire du carburant et prendre des douches une fois qu'on aura installé une base là-bas. Mais si enfin, on peut y aller. On n'y est pas encore. Oui. Il y a autre chose qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, c'est que sur cette face cachée, il y a un relief qui n'existe pas sur la face visible. Et il y a notamment des altitudes, des montagnes qui peuvent monter à 3000 mètres d'altitude. Du relief, c'est, il y a beaucoup plus de relief que du côté face, face visible. Et il y a cet énorme cratère qui est donc qui est au pôle sud, hein, qui est le plus gros cratère sur la surface de la Lune, qui fait plus de 2000 km de diamètre, 2500 km de diamètre. Donc qui participe à ce relief assez donc est pas, donc c'est pas si monotone que la face cachée, finalement pas si monotone que ça. Et il est étonnant ce cratère d'ailleurs, parce que jusqu'à récemment, jusqu'à je sais pas deux décennies, on le voyait pas, parce que c'est pas un cratère avec les bords comme ça, c'est un gros bassin d'impact comme ceux qui ont été remplis du côté de la face visible par les mers de basalte. Donc il est criblé de plein d'autres cratères, on ne le voit pas, et on le sait grâce aux données justement altimétriques de ces sondes que je viens de citer, on s'est aperçu que là, il y a un gros trou. Mmh. Il y a un gros trou, et c'est d'ailleurs là que les Chinois ont envoyé leur sonde qui se balade à la surface de la face cachée. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. explodes, the dark proposes too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Mais comment résister à l'envie de réécouter du Pink Floyd quand on fait une émission sur la face cachée Far Side of the Moon, hein, plutôt que Dark Side, puisqu'elle n'est pas du tout dark, elle est exposée au soleil régulièrement. C'est évidemment le thème de notre émission du jour, cette face cachée de la nulle. Nous en parlons avec Frédéric Moynier, qui est professeur de cosmochimie à l'Institut de physique du Globe de Paris, et avec le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, Philippe Hénaré-Ross. Alors, plusieurs choses intéressantes. Déjà, vous disiez, Philippe Hénaré-Ross, là, pendant cette petite pause musicale, que les Américains n'ont pas été très très loin d'aller se poser sur la face cachée. Oui, lors de la mission Apollo 17 en décembre 1972, l'un des membres d'équipage, Harrison Schmitt, qui était le seul scientifique et donc le seul géologue à avoir marché sur la Lune, parmi les 12 hommes qui ont marché sur la Lune, lui militait pour que Apollo 17 aille se poser sur la face cachée. Et alors pour cela, il fallait que la NASA envoie un satellite relais pour pouvoir relayer les communications radio, sinon ils n'allaient pas pouvoir discuter et puis surtout se guider. Et la NASA, qui était en fin de programme, Apollo 17, c'était la dernière mission, et encore trois autres avaient déjà été coupées avant, et on dit non, on ne fait pas cette dépense-là, qui aurait été minime par rapport au programme Apollo. Et donc, ils ont été sur la face visible. Alors, du coup, Schmitt a voulu dire, bon, mais d'accord, mais on fait quatre sorties extravéhiculaires au lieu de trois. Il dit, non, on ne coupe pas dans les marges de sécurité. Maintenant, on rentre à la maison avec tout le monde d'abord. Il y avait eu Apollo 13, donc quand même, oui, c'était dangereux. Et donc, si quand même Harrison Schmitt avait réussi à se faire entendre, peut-être nous aurions ces fameux échantillons de la croûte primaire de la Lune, venu de la face cachée, et on en saurait un peu plus sur l'histoire globale de la Lune. Alors aujourd'hui, maintenant, les maîtres de la face cachée, ce sont les Chinois. Frédéric Moynier, avec cette mission sur Chang'e 4, qui est alors pas exactement sur la face cachée, qui est entre les deux. Qui est au pôle sud, mais plutôt au côté face cachée. Mm. Et donc c'est une mission qui est robotisée, donc sans astronaute, sans retour non plus de la mission. Donc, mais c'est une mission qui permet sur place de faire quelques des mesures, si vous voulez, de la surface de la Lune. Et donc une des idées donc d'étudier donc ce côté face cachée dans ce cratère dont on parlait tout à l'heure, qui est le plus gros bassin. C'est un énorme bassin. Et d'essayer d'accéder à ce qu'il y a dessous la croûte. Ce qu'on appelle le manteau. Mm. Et donc un des résultats majeurs de la mission que j'ai pu voir jusque-là, qui a été la détection de minéraux, on va dire, différents de ceux qu'on trouve à la surface, qui sont des minéraux riches en magnésium, comme ce qu'on appelle de l'olivine, des pyroxènes, qui est ce qu'on pensait jusque-là être ce qui compose le manteau. Donc cette mission a détecté ces minéraux, et donc on va continuer, je ne sais pas combien de temps va durer la mission, mais normalement elle devrait être finie, mais le robot marche bien, et ça fait pas un an, mais presque, c'était quand même en janvier, début janvier 2019, que la sonde s'est posée et que le robot a commencé à rouler, et il marche toujours, il dort pendant la nuit, et il se recharge avec ses panneaux solaires pendant le jour, et il continue à faire ces mesures. Mmh. Et du coup, justement, quels sont les premiers? Alors, vous avez dit cet examen de la croûte, mais en fait, j'ai cru comprendre, et je parle sous votre contrôle, évidemment, Frédéric Moynier, mais qu'on pourrait presque avoir accès quasiment juste là au manteau de la Lune. En fait, c'est vraiment pas très très loin. Oui, donc les impacts ou l'impact qui a creusé ce bassin, donc ça creuse, donc ça arrache du matériel qui était à la surface, qui est la croûte, jusqu'à atteindre une partie du manteau. Donc jusque-là, on n'avait pas vraiment de preuve de présence de ce manteau à la surface, parce que donc il y a eu un impact qui a creusé le bassin, mais depuis il y a eu d'autres impacts qui ont remélangé tout le matériel qui est à la surface, qui crée ce sol lunaire, qui est ce régolithe qui recouvre toute la Lune. Donc on a tout ce matériel très très fin qui est tout mélangé. Et donc quelque chose, donc c'est très important qu'il y ait une validation de terrain de la présence potentiel de ce matériau du manteau, de ce qui est sous la Lune, pour plus tard, s'il y a des retours d'échantillons, de pouvoir justifier le retour d'échantillons et pouvoir ramener un bout du manteau lunaire, ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Parce qu'il y a eu plusieurs fois des missions qui avaient été... La NASA avait essayé de faire des missions de retour d'échantillons de ce pôle sud, des missions qui ne sont pas passées loin d'être financées par la NASA il y a quelques années, qui étaient de ramener du manteau lunaire en allant dans le pôle sud. Mais il y a quand même une énorme prise de risque, sachant qu'on n'avait jamais, on pensait que ça devait y être, parce qu'on pensait qu'un tel impact devrait creuser suffisamment en profondeur pour remonter du matériel de la profondeur vers la surface, et puis que ce matériel ne soit pas parti non plus très très loin, soit resté dans le bassin. Vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses, et donc la validation sur le terrain de présence de ces minéraux, à mon avis, va relancer ce retour d'échantillons du pôle sud de la Lune, de ce bassin. Philippe Benarès. Ceci dit, ça va être... Ça va rester compliqué de ramasser les bonnes roches au bon endroit, surtout avec une mission uniquement robotique. Quand on a vu le travail qu'ont pu faire les 12 astronautes qui sont allés sur la Lune pour observer, choisir, ça, ils ont été capables de le faire dans un temps très court. Certes, ils étaient limités avec leurs 8 heures d'oxygène par sortie, etc. Mais ils faisaient un travail remarquable. Ils ont foré quand même assez profond, jusqu'à 2-3 mètres dans certaines missions. Un robot est beaucoup plus handicapé, a moins l'œil, en fait. Même à distance, il a moins l'œil qu'un astronaute qui n'est pas géologue et qui pourtant est formé à la géologie. Ils ont fait des collectes remarquables. Et donc, il faut savoir que sur la Lune, il n'y a pas, comme sur Terre, la géologie, c'est pas la même. C'est-à-dire, c'est pas des roches en place où vous avez pas des strates qui apparaissent, ou alors c'est très rare dans certains cratères. Tout ça a été mélangé, comme ça a été dit à l'instant, par des milliards d'années d'impact. Les roches sont mélangées les unes aux autres dans des brèches, dans du régolithe. Il faut arriver à discerner dans cet amas, dans ce conglomérat, ce qu'on va chercher. Et ça, c'est vrai qu'une mission humaine, je pense, aurait alors évidemment, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes risques, mais aurait un retour vraiment supérieur à une mission robotisée. Frédéric Bonnier. Oui, ce qui arrivera possiblement dans le futur. On dirait que ça se décide. Ça se décide pour d'autres raisons, ou pas uniquement des raisons scientifiques. Non, pas uniquement. Mais ça arrivera. Mais d'ici là, il y aura probablement d'autres retours d'échantillons, donc robotisés. Alors justement, c'est quoi les prochaines missions de retour d'échantillons? Donc la prochaine, ça va s'appeler donc changer 5, qui est donc une mission chinoise de retour d'échantillons de la Lune, qui sera la première mission de retour d'échantillons depuis les années 70. La dernière était Luna 24, en fait, qui était une mission russe, mais qui est à peu près à la même époque qu'Apollo 17. Et donc cette mission chinoise devrait revenir. Mais robotisée. Robotisée, oui. Donc c'est le même principe que les missions russes. Donc on parlait des missions Apollo qui étaient des missions avec des astronautes. Les Russes avaient envoyé 3 missions qui étaient des missions robotisées, qui étaient des missions de retour d'échantillons robotisées. Donc on a un robot qui récupère un bout d'échantillon, qui récupère du matériel lunaire et qui le ramène sur Terre. Et donc les Chinois, c'est à peu près la même approche. Ils vont ramener quelques kilos, si tout se passe bien, donc d'échantillons de la face visible de la Lune. Donc cette mission sera la face visible, mais d'une zone qui n'a jamais été échantillonnée ni par les Russes ni par les Américains. Donc il y aura un intérêt scientifique possible pour la compréhension de la Lune. Et si tout se passe bien, les Chinois ont dans l'idée de continuer avec le retour d'échantillons. Et donc il n'y a pas de plan, on va dire, clair ou officiel sur les futures missions. Mais bon, on peut imaginer que les prochaines missions seront soit dans les pôles, au pôle sud, pour des histoires, parce que actuellement les histoires, on va dire, les plus importantes sur la Lune, c'est de comprendre cette eau lunaire, donc aller au pôle sud de la Lune, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, et aussi aller évidemment sur la face cachée, parce qu'on n'a aucun échantillon, donc ça sera aussi quelque chose d'unique. Puis il y a l'étude évidemment de la Lune, de sa face cachée, et de toutes ces énigmes qui restent autour de cette dissymétrie entre les deux hémisphères. Puis il y a d'autres types de missions qui veulent utiliser pour le coup la face cachée pour autre chose, et notamment pas pour étudier la Lune elle-même, mais pour observer idéalement l'espace profond. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, on pourrait installer un télescope sur la face cachée de la Lune, et c'est ce que nous explique l'astrophysicien Joseph Silk, qui est chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et professeur associé à l'université Johns Hopkins. Son idée est d'installer un réseau de radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, tout d'abord parce que la Lune n'a pas d'atmosphère ni de ionosphère qui perturbe les observations du ciel dans le domaine radio, mais aussi de l'installer dans une région de cratère profond au pôle de la face cachée de la Lune, là où la lumière du Soleil n'arrive pas. Joseph Silk nous explique enfin pourquoi cette installation d'un radiotélescope sur la face cachée de la Lune pourrait nous permettre de lever le voile sur les premiers âges de l'univers après le Big Bang. La Lune est un endroit remarquable pour faire de l'astronomie parce qu'elle n'a pas d'atmosphère. Sur Terre, l'atmosphère est un problème pour les astronomes. Par exemple, si les étoiles scintillent dans la nuit noire, c'est que leur lumière est réfractée par l'atmosphère. On perd donc en précision par rapport à l'image qu'on obtiendrait dans un endroit sans atmosphère, dans l'espace par exemple. Depuis la Lune, on peut voir l'univers de façon bien plus claire. Mon intérêt tout particulier se porte sur la face cachée de la Lune. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce que l'on aimerait voir, ce ne sont pas simplement les étoiles dans le ciel, mais l'univers bien avant qu'une quelconque étoile ne soit formée. C'est une époque si lointaine que les longueurs d'onde de lumière en provenance de cette époque sont très étirées par l'expansion de l'univers. Ça signifie qu'il faut aller observer dans des régions du spectre lumineux qui sont très dures à mesurer depuis la Terre, et c'est pour ça qu'il faut aller dans l'espace pour faire ces mesures. Et la Lune est un endroit parfait pour faire cela, parce qu'elle n'a pas d'atmosphère. Avant qu'il y ait des étoiles, il y avait des nuages de gaz qui sont des éléments composant les étoiles. Ce gaz, c'est de l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers. Notre idée, c'est d'utiliser la radioastronomie pour étudier l'hydrogène. À cause de l'étirement des longueurs d'onde, nous devons aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit radioastronomique étranger. Comme par exemple celui lié aux activités humaines ou celui lié à la ionosphère, qui est un grand problème sur la Terre à cause des basses fréquences. Ce radiotélescope, concrètement, où est-ce qu'il faudrait l'installer sur la, et pourquoi l'installer sur la face cachée de la Lune et pas sur la face exposée ? Notre objectif est de travailler dans des fréquences si basses que sur la Terre, ce serait impossible à cause de l'ionosphère. Par exemple, quand vous écoutez la radio, il peut y avoir des parasites, c'est provoqué par l'ionosphère et c'est très mauvais pour des études dans des fréquences aussi basses que les nôtres. Si on va sur la face cachée de la Lune, vous ne voyez pas la Terre, donc il n'y a plus de problème, plus de bruit radio provenant de la Terre. Il se trouve que la face cachée de la Lune est le meilleur endroit de tout notre système solaire pour faire ce genre de radioastronomie. Concrètement, comment on pourrait installer ce radiotélescope sur la face cachée de la Lune ? Quel type de mission on devrait envisager pour installer un radiotélescope sur la Lune et pour surtout récupérer les données qui seraient récoltées par le radiotélescope ? La première chose à faire, c'est de construire un radiotélescope, une antenne qui capte les très basses fréquences. Le télescope doit être aussi large que la longueur d'onde des ondes que l'on cherche à capter. Ça correspond à des dizaines de mètres. On parle donc d'installer des antennes connectées par des câbles et il faut une très vaste surface sur la face cachée de la Lune pour avoir une envergure assez grande et donc une bonne résolution. Parce que plus la zone couverte est grande, plus la qualité des détails observés est bonne. Lay down cables and these antennae, very simple antennas. Donc notre plan, c'est d'aller sur une région de la face cachée de la Lune où l'on peut installer, à l'aide de robots et sur une grande surface, ces câbles et ces antennes très simples qui seraient sensibles aux très basses fréquences de l'univers le plus lointain. À proximité du pôle sud de la Lune, il y a d'énormes cratères. Pourquoi aller là-bas? Parce que dans ces cratères qui sont près du pôle, le soleil est toujours bas sur l'horizon, donc l'intérieur des cratères reste incroyablement froid et ils sont si profonds qu'il y fait toujours sombre. Donc on pense que ce sont des sites merveilleux pour construire des télescopes bien plus larges que ceux qui sont fabriqués sur Terre. Donc l'idée, c'est d'installer ce système d'antennes sur une vaste région de la face cachée de la Lune et connecter ces antennes par des câbles. Ces antennes captent des signaux et il faudrait donc construire un interféromètre pour établir une image de ces nuages de gaz et envoyer le signal à un satellite en orbite autour de la Lune ou bien même à un petit groupe de satellites qui pourraient ensuite transmettre le signal sur Terre. Et ce que l'on peut découvrir grâce à cette expérience, c'est le tout début et quelles étaient les conditions initiales de l'univers. Voilà l'astrophysicien Joseph Silk dans la méthode scientifique sur ce projet de télescope sur la face cachée de la Lune. Quand on parle télescope sur la face cachée de la Lune, on a l'impression qu'on nage en pleine science-fiction. Manifestement, pas tant que ça. Philippe Nareiro, ça n'a pas l'air complètement absurde. Non, non, parce que le type de radiotélescope dont Joe Silk parle est tout à fait envisageable. C'est pas ces paraboles immenses qu'il faudrait construire, parce que là, effectivement, vous avez énormément de matériel à transporter ou alors à fabriquer sur place avec, par exemple, des imprimantes 3D. Enfin, ça devient quand même une grosse infrastructure. Non, ce dont il parle, en gros, ce sont des antennes, ça ressemble à nos anciennes antennes télé. En fait, c'est des piquets avec des fils. Ça ressemble à des cordes à linge où vous étendrez votre linge, par exemple, mais alors sur des kilomètres. Donc, c'est pas quelque chose de... c'est pas une infrastructure lourde, si vous voulez. Il y a des radiotélescopes comme ça qui existent sur Terre. C'est pour capter, effectivement, ces premières émissions de l'hydrogène de l'univers. Et donc ça, c'est très malin. Et puis, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai que le fait qu'il soit toujours dans l'ombre, il y a peut-être même les émissions radio du soleil qui sont épargnées. Donc, c'est un endroit qui serait vraiment très calme pour cette radioastronomie-là. Ensuite, je sais qu'il y a eu d'autres projets de télescopes, y compris optiques, sur la Lune, etc. Là, je suis un peu moins emballé parce que l'expérience du télescope Hubble, qui est en orbite autour de la Terre, nous a montré qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour un télescope optique que la pesanteur, que l'espace. Il est beaucoup plus maniable. Sur la Lune, il y a malgré tout une gravité, donc vous allez avoir des déformations de matériaux. Il va falloir y amener du monde. Cette gravité, plus la poussière lunaire, qui est un gros problème qui a été soulevé par les astronautes des missions Apollo, va vous rendre la tâche vraiment impossible. Donc si on veut faire des gros télescopes optiques, restons dans l'espace. Votre opinion, Frédéric Moignet, à ce propos? Oui, il n'y a pas meilleur endroit, comme ce qui était dit, que la Lune, donc pour protéger des émissions terrestres, et puis l'idée d'aller au fond d'un cratère au pôle sud pour se protéger du Soleil. Donc, comme l'a dit Philippe, les télescopes, c'est pas du matériel lourd, donc c'est des choses qui sont faisables. Si c'était des grosses antennes comme Hubble et puis comme ce qui va devrait démarrer bientôt, qui est le télescope James Webb, qui va remplacer Hubble, qui a déjà été beaucoup d'investissements de la NASA là-dessus, je m'étonnerais qu'on se lance à faire un énorme télescope sur la face cachée de la Lune suite à ça. Pour conclure, on arrive dans les dernières minutes. Peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière, parce qu'il y a une auditrice qui nous dit sur Twitter qu'elle a du mal à concevoir, à conceptualiser l'idée que la Lune tourne bien sur elle-même, tout en nous présentant toujours son même hémisphère. Alors, effectivement, on va rappeler que la Lune tourne bien sur elle-même, mais comment se fait-il que, tout en tournant sur elle-même, on ne voit que toujours strictement, je veux dire vraiment exactement, c'est que moi ça se décale pas du tout, tout le temps la même face, Frédéric Moignet. C'est qu'elle tourne sur elle-même à exactement la même vitesse, c'est la même vitesse autour de la, à laquelle elle tourne autour de la Terre. Donc on peut faire et dans le même sens en plus. Dans le même sens. Donc on peut faire prendre deux pommes, on peut prendre une pomme, on fait tourner la pomme autour de l'autre pomme en faisant une rotation qui est à peu près la même vitesse que la vitesse de rotation autour de l'objet central, on aura toujours la même face qui va faire face à l'objet central. Philippe Anaeros. Oui, au bout d'un tour autour de la Terre, la Lune a fait un tour sur elle-même dans le même sens. Donc, où que vous la placiez sur son orbite, elle a un même point qui est face à la Terre. Et d'ailleurs, depuis la Lune, la Terre est toujours au même point dans le ciel, peu ou prou. Il y a des petites librations qu'on appelle. Mais en gros, ça ne change pas beaucoup. Donc, faut imaginer ça, il faut se le représenter. Si on pouvait isoler le mouvement de la Lune, on la verrait tourner sur elle-même. Et quand on ajoute la Terre, alors si on se place d'un point de vue lunocentrique, on verrait la Terre tourner autour, mais toujours face à la même, au même hémisphère de la Lune. Non, vraiment, c'est la concordance de sa période de rotation sur elle-même et de sa période de révolution autour de la Terre qui fait qu'on voit toujours la même face. Et ce n'est pas le hasard, c'est dû à la mécanique céleste qui verrouille tout ça sur des milliards d'années. Le verrouillage gravitationnel. Ce qui arrivera aussi à la Terre, donc, comme on disait, dans quelques milliards d'années, voilà. Elle tournera à la même vitesse son jour sur elle-même que la période de rotation de la Lune autour de la Terre. Un dernier mot sur l'hypothèse, alors là aussi on est un peu plus loin dans le futur, mais sur l'hypothèse d'une station, d'une base lunaire habitée en permanence. Aujourd'hui on dispose de la technologie, c'est une question de moyens, il nous manque encore des choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir advenir dans la décennie, les 20 ans qui viennent, Frédéric Moynier? Oui, dans la décennie, c'est, ça fait partie des buts du côté NASA et du côté chinois d'ici 2025, donc moins de 10 ans, hein, d'avoir des bases habitées. Donc les Chinois, à travers ces missions dont on parlait, un des buts, c'est de se préparer à construire une base habitée sur la Lune d'ici donc le milieu des années de 2020, peut-être 2030. Et les Américains ont relancé, ça a été relancé il y a moins d'un an avec le projet Artemis, qui est donc la construction d'une base lunaire. Donc je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on puisse voir ça d'ici quelques années. Philippe Anaeros. Oui, il y a des bonnes chances parce que les partenaires internationaux et les agences spatiales ont tourné beaucoup autour de la Terre, se sont associés dans un projet qu'on connaît tous, qui est la Station Spatiale Internationale, qui arrivera en fin de vie en 2030 ou même peut-être 2034, peu importe. Mais elle est construite, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière? Et effectivement, les Chinois ont visé la Lune sans faire la course, mais ça titille un peu les Américains. Les Américains, on sait que c'est surtout des décisions politiques, on l'a bien vu. Trump a envie de retourner sur la Lune, de voir des Américains sur la Lune en 2024 pour la fin de son supposé deuxième mandat. Donc c'est très politique tout ça, il n'y a pas de science, mais la science aura une grande place à avoir. Les Américains sont capables de le faire. Le seul truc, c'est le budget. Si le budget qui est réclamé par la NASA ne lui est pas accordé, ben ça prendra un peu plus de temps. Ce sera pas en 2024, ce sera peut-être en 2028 ou 2030. Mais a priori, on est parti pour ça. Côté européen, on est plutôt favorable à l'Agence spatiale européenne à viser la Lune parce que scientifiquement c'est intéressant, parce que technologiquement c'est intéressant et peut-être que économiquement il y aura des choses à y faire. Donc il y a une convergence naturelle des agences spatiales du monde entier vers la Lune. Donc oui, ça se fera. La technologie, elle n'est pas dure. On y a déjà été. On peut améliorer. Ah oui, on y a déjà été, mais on n'y est pas resté. Oui, on n'est pas resté. Le hardware, tout ça, on sait faire. Enfin, on sait ce qu'il faut faire pour aller sur la Lune. On a une expérience. Donc ça se fera. Maintenant, l'échelle de temps, ne me demandez pas. Et puis après tout, on peut bien rester en Antarctique une année entière. On doit bien pouvoir rester sur la Lune. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci à tous les deux. Merci Frédéric Moynier. Merci Philippe Anaeros. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Ils ont marché sur la Lune, l'histoire des missions Apollo. C'est chez Belin et à la une de Ciel et Espace ce mois-ci. Alors, c'est encore retrouver la nuit, mais le prochain, ce sera les premières galaxies de l'univers qui étaient jusque-là invisibles. Oui. C'est une découverte récente. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Olivier Arnay aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons d'un pan de la recherche biomédicale qui tend à substituer ou à compléter les tests sur animaux de laboratoire par la création d'organoïdes, hein, ces micro-organes, plus ou moins complexes, mais qui commencent également à pousser des questions éthiques, notamment pour ce qui est de la création de ces tout petits cerveau qui présente une activité électrique. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.